Une émission proposée par Émile Pacos et Eugène Luxin. Bonsoir. Aujourd'hui, Aïgo chez moi. Le train gémit et gronde en passant derrière le village endormi. Le chef de gare sera en retraite bientôt. Il m'indique le chemin avec un léger accent de Russie. D'ailleurs, quand il finit ses verres, il les casse contre les murs. Sauf quand l'angoisse du premier départ le prend. À moi aussi cela m'a pris. J'ai compris alors que je ne verrai plus l'ombre de mon chien traverser les pièces comme une anguille dans l'eau écarlate. Mon repas allait être bientôt servi. J'ai faim. J'ai faim comme un sanglier dans un marché aux légumes. J'ai faim comme une postière devant une boulangerie qui attend sa barre de chocolat. Le colis n'est pas encore arrivé. Certes, j'attendrai. Bien que tout le monde n'ait pas la tête dans son sac aujourd'hui. Aujourd'hui, le train gémit. Pensées brûlent. J'ai la cage thoracique ouverte. Mon cœur offre sa gorge au couteau. Quelque chose de surnaturel me tourne autour et m'enfonce comme un clou. Je dois laisser ma peur passer comme un orage. Je tremble. Je tremble. Je tremble sous une pluie de sensations. Sous la vague énorme du sentiment qui m'obsède. À l'intérieur du soleil, prêt au sacrifice, pour les yeux d'Alice. Thank you. Nous devrions travailler uniquement pour ceux qui ont faim. Et puis foutre une opinion dans la gueule de ceux qui heurtent le sol de leur bassesse. Dans leurs ambitieuses actions. Leurs actions boursières. Sur un écran bleu, en couleur. Pour l'achat d'un individu parfait, parfumé. Dans sa chemise de marque. Ébloui par le gris métallisé de l'auto du patron. Oh, quelle est belle l'auto du patron. C'est ça, la belle vie. Une opinion dans la gueule. Ne travaillez plus tant que vous n'avez pas usé de tout votre temps libre. Ne trimez plus pour ceux qui friment. Nous devrions travailler uniquement pour ceux qui ont faim. Ne trimez plus pour ceux qui friment. Il faut comprendre pourquoi aujourd'hui des arbres avancent plus vite que les nuages. Il faut savoir pourquoi cette salle d'attente n'attire que les voyageurs au regard vague, comme si le toit me tombait sur la tête. Ils veulent être charpentiers. Ils veulent être charpentiers. Les charpentiers du monde, attentifs aux paysages flous. D'ailleurs, ce matin, l'horizon vibre sous la chaleur que mon corps accumule, cul tout court. Je pue. Je le sais, cette vilaine odeur qui traîne à la sale petite peste qui tirait les cheveux de son petit frère pendant qu'il prenait pour le roi des cons, le roi des crétins, des andouilles, pendouilles. Je le tuerais d'un coup de parapluie dans l'œil gauche, comme dans le film qui a gagné la palme d'or avec son arc et ses flèches. Voilà, le soleil se couche sans crier gare. Le vent est tombé, la nuit ne va pas tarder aussi. Une mouche aux longues oreilles écoute à ma porte. Elle renifle aussi ma serpillière d'hier. Aujourd'hui, celle qui a absorbé tous les verres renversés par terre. Ce sol me colle à la patte. Engloutit mon espoir de gadou et je suis perdu dans une multitude de réflexions basées dans le noyau dur de mon cerveau. Je rentre chez moi parce que je m'emmerde de partout. Au milieu de la foule, sur une plage au soleil, dans le luxe, Dans les nightclubs, je rentre chez moi. Je rentre chez moi parce que j'en ai marre de réfléchir, d'essayer de comprendre tout ce qui m'entoure, tout ce que je vois, tout ce que je sens. À force de me contenir et de sourire parce qu'il faut être comme ça, et ben moi je rentre chez moi. Il n'y a rien d'autre à faire que à croire, qu'à croître, qu'à défaire, qu'à satisfaire, qu'à débattre, avec le premier qui s'impose à moi, et prolonger le plaisir idiot d'anéantir la crasse mentale que l'on accumule en vivant dans la civilisation. Je commence à sentir le contour de mes yeux, plus lourd qu'un tas de sable dans une grosse chaussure, qui se soulève en force, force molle, force 4. Je fatigue, c'est sûrement la lumière, une sorte de verre de terre, sans verre à boire, et sans terre aussi. Je vous enterre d'ailleurs. Je tombe, et oui, tombe de sommeil dans un monde de brutes. Laissez-nous passer 4 jours avec le Clésio au Nouveau-Mexique. Et plein de sombreros, sombreros qui tirent du revolver en l'air, et puis c'était la fin du film. Ciel, la Marie. Oh, que faites-vous ici? I'm going tomorrow and this. I'm go chez moi. Ha ha. Eh bien, I'm go chez moi. Nobody's will not chagrin. Because for rien, it's like a dog, it's sinking the sea. Regardez, il tombe de l'arbre. Bread quotidien. My love for somebody would be like a putain. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est comme un œuf pourri. C'est monstrueux. À gauche chez moi, si c'est comme ça. I'm going and I lose all this. Il rentre dans la salle. Qui a dit la chose qui fallait pas dire? I'm like tomorrow and it's good. Tomorrow? And if I'm wrong, to nobody there will not chagrin because for rien, it's like a dog, it's sinking, nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Oh, nothing. Nothing. I'm going again. Again, tomorrow, again. And it's again. It's good for you. It's again good. It's again good. And ma maison vient goûter au sandwich. I'm going chez moi. un gauche et moi. Ouvrez-moi la porte. Il est tombé de l'arbre. I'm going and I lose all this up. It's I'm a reservation. I'm going and I lose all this up. It's I'm a reservation. It's good for you. I'm go chez moi. Voilà, le soleil se couche sans créer gare. Le vent est tombé, la nuit ne va pas tarder aussi. Une mouche aux longues oreilles écoute à ma porte. Elle renifle aussi ma serpillière d'hier. Celle d'aujourd'hui, celle qui a absorbé tous les verres renversés par terre. Non, celle d'hier. Ce sol me colle à la patte, engloutit son espoir de gadou, mon espoir. Sa plume n'était pas bien vaillante, mais les palmes, ça sert aussi à nager plus vite. D'ailleurs, son cheval était mort en mangeant une pomme. Mais quelle misère! Les fruits, c'est vraiment pas bon pour la santé. Mais la santé, par contre, elle, était bonne, comme ce petit con qui me ramenait à la pelle des listes de pronoms. Thank you. Le soleil se couche, centre des gares. Une salle d'attente en bois verni. Une petite vieille serre son sac. Pour que personne ne se trompe sur les intentions de chacun. Pour que personne ne revienne en arrière, que chacun pense à ses affaires. Des affaires dont le but est de cacher le désordre qui règne en soi. Sur le chemin, rien ne l'arrête. Il faut comprendre pourquoi aujourd'hui les arbres avancent plus vite que les nuages. Il faut savoir pourquoi cette salle d'attente n'attire que les voyageurs au regard vague. Comme si le toit nous tombait sur la tête. Ils veulent être charpentiers. Les charpentiers du monde, attentifs aux paysages flous. D'ailleurs, ce matin, l'horizon vibre sous la chaleur. Mon corps accumule. Chez moi, parce que je m'emmerde de partout. Au milieu de la foule, sur une plage au soleil, dans le luxe, dans les nightclubs, je m'emmerde. Alors je rentre chez moi, parce que j'en ai marre de réfléchir, d'essayer de comprendre tout ce qui m'entoure, tout ce que je vois, tout ce que je sens, à force de me contenir, de sourire, parce qu'il faut être comme ça. Et ben moi, je rentre chez moi. Bientôt. Il m'indique le chemin avec un léger accent de Russie. Il boit beaucoup, le chef de gare. Il éclate ses verres contre les murs. Sauf quand l'angoisse du premier départ lui prend. J'ai compris alors que je ne verrai plus l'ombre de mon chien traverser les pièces comme une anguille dans l'eau écarlate. Dans l'eau écarlate. Une anguille ondule son corps. Mon repas allait être bien trop servi. J'ai faim, comme un sanglier dans un marché aux légumes. J'ai faim comme une postière devant la boulangerie, attendant sa barre de chocolat hebdomadaire, quotidienne, mensuelle. Le colis n'est pas encore arrivé. Alors que faites-vous, madame la postière? Tout le monde n'a pas la tête dans son sac. 88.5, l'écho. Thank you.